montrer, il y a des choses possibles. Et donc voilà, du coup, on est très contents que vous nous écoutiez. Et aujourd'hui, on est avec les Gilets jaunes de Montreuil. Alors évidemment, avec même pas tous les Gilets jaunes de Montreuil, évidemment, puisque du coup, ça n'existe pas. C'est difficile d'avoir une seule voix. Ce qui est aussi le signe de la possibilité de chacun de faire ensemble et d'apporter peut-être sa petite pierre, chacun avec ses petites différences. Bon, c'est toujours difficile en général, on y arrive très peu. Mais l'important, c'est d'essayer. C'est toutes ces initiatives, ces tentatives qui nous intéressent, nous, dans la jungle des luttes. Et donc, on va partager avec les Gilets jaunes de Montreuil, donc avec Monique et Clément notamment. Et donc voilà, on les a rencontrés puisque moi je suis régulièrement à la Conquête du Pain, la boulangerie bio-autogérée à Montreuil. Donc on a l'occasion de mettre une petite cagnotte pour les Gilets jaunes de Montreuil puisqu'ils sont pas loin de chez nous. Et donc c'est un peu à cette occasion, avec des échanges de pain, d'informations, qu'on se rencontre et qu'on a envie de continuer du coup l'aventure. Et je profite de justement ce petit espace pour pouvoir leur donner la parole. On en a parlé énormément dans les médias. FPP a déjà parlé des Gilets jaunes, évidemment. On était souvent sur le terrain pour d'autres émissions, évidemment. Et donc voilà, bah nous, c'est un petit espace. C'est l'été, on fait un petit point. Puis on n'a jamais eu l'occasion d'en parler tout au long de ces émissions, tout au cours de l'année, puisque c'est déjà depuis le 17 novembre qu'on entend parler des Gilets jaunes. Et donc nous, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler véritablement. Donc voilà, on est content. Ce sera pour finir notre année, puisque le mois d'août, la radio est fermée. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on réussisse à vous proposer une émission. On fera une petite rediffusion. On ne sait pas encore laquelle. Et donc voilà, on va faire une petite pause musicale avant de commencer donc notre émission. On vous rappelle qu'il faut être solidaire donc avec tous les uns les autres. Et donc voilà, n'oubliez pas de regarder autour de chez vous les projets aussi, ces grands projets qui détruisent. Et donc, on aura peut-être l'occasion quand même aussi de reparler un peu vite fait de ce qui se passe au Mexique entre deux intermèdes musicaux. On prendra peut-être la parole pour vous en parler. En tous les cas, soyez attentifs. À tout de suite, musique. À la télé, on nous dit, il fera bien trop beau aujourd'hui. Faites attention à votre cœur et gardez les bébés à l'intérieur. L'air n'est plus ce qu'il était, je me méfie de l'eau de pluie, mais du soleil aussi. Tout l'argent s'envole en fusée, en nucléaire. Et tous les gens se doivent de garder le moral. La nuit à la belle étoile. Computer, téléphone sans fil, c'est compliqué la vie facile. On n'arrête pas le progrès. Faut que tout soit parfait. Mais tiens, pis l'amour virtuel vous donnera des gènes pour s'éloigner. jungle des luttes. Merci de nous écouter. Donc, nous sommes avec les copains Gilets jaunes de Montreuil. Et donc, du coup, merci à toi, Monique et Clément, d'être là avec nous. Donc, les Gilets jaunes de Montreuil, c'est une expérience propre, singulière, comme toutes les expériences des Gilets jaunes, où qu'ils soient, le rond-point tel, national, départemental. Donc, les Gilets jaunes à Montreuil, en sachant que les Gilets jaunes, au départ, ça a d'abord émergé en province. Et puis, Montreuil, vous êtes arrivé quand même assez vite à vous mobiliser. Racontez-nous peut-être un petit peu cette histoire. Comme ça, on peut peut-être se dire, tiens, l'histoire des Gilets jaunes à Montreuil, même si elle n'est sans doute pas exhaustive. Mais racontez-nous un peu ce que c'est votre histoire. Avant de raconter l'histoire des Gilets jaunes de Montreuil, je vais déjà remercier FPP parce que nous sommes le 15 juillet et qu'hier, les Gilets jaunes, qui n'ont jamais été morts, qui ont toujours bougé, mais ont bien manifesté leur présence en France, dans la tête des gens et dans la tête des flics. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, comment ça a commencé ? Eh bien, ça a commencé dès le 17 novembre. En fait, le 13 ou le 14 novembre, il y a déjà eu un appel à la manifestation, deux appels. Un par un groupe plus ou moins politisé et un autre appel à manifester par un autre groupe plus libre, voilà. Donc, dès le 17 novembre, il y avait un certain nombre de Montreuillois dans les rues de Paris qui ont manifesté. Et puis, ça a duré deux manifestations avant que ces deux groupes se rejoignent, en quelque sorte, et n'en fassent plus qu'un. Et nous sommes donc partis sur cette façon de fonctionner, qui est encore celle que nous avons actuellement. Mais alors, donc, au début et pendant 3 mois, il y avait 2 AG par semaine, une du premier groupe, une du deuxième groupe, enfin voilà. Et à partir de la mi-décembre, il a été décidé en commun de construire une cabane. Croix de Chavaux, donc. À la Croix de Chavaux. Cette cabane a commencé à être montée dans les locaux de l'association appelée La Parole Errante, parce qu'il y a de la place, enfin, etc. Elle a été montée un petit peu en kit. Mais nous n'avons pu l'installer définitivement que le 20 janvier, parce que le sapin de Noël de la mairie, qui était érigé Croix de Chavaux, nous en empêchait. C'était seulement technique. Mais il y a eu un point fixe à partir du 10 décembre. Du 10 décembre 2018, point fixe, tous les jours du lundi au vendredi, il y avait donc des gens qui arrivaient avec 4-5 caddies, un barnum, du thé, du café. Nous avons donc vécu comme ça un mois et demi. Et puis il y a eu la cabane. Et la cabane qui a très bien fonctionné jusqu'à fin mai. Et qui a fermé ses portes par manque de personnel, on va dire. De mobilisation. Voilà, de mobilisation pour ouvrir. Alors, du coup, pour ouvrir la cabane, c'est-à-dire, raconte-nous, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, la cabane de la Croix de Chavaux. Alors, la cabane, c'était avant tout le comptoir. C'est-à-dire que au point fixe ou à la cabane, il y avait une grande table qui donnait sur la place directe de la Croix de Chavaux, où il y avait beaucoup de passages, puisqu'à la Croix de Chavaux, métro et 6 lignes de bus qui montent dans les cités, etc., etc. Donc beaucoup de passages. en droit idéal. Et sur cette grande table, il y avait à disposition de n'importe quel passant café, thé, petits gâteaux, cahier de doléances. Pendant 3 mois, nous avons tenu un cahier de doléances pour que tous les gens voilà, puissent s'exprimer. Et ce comptoir, en fait, son but premier, c'était d'expliquer à tous ceux qui venaient vers nous ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes, quelles étaient les revendications des Gilets jaunes. Et puis aussi, on leur demandait d'écrire, eux, ce qu'ils pensaient de leur vie de tout court et quelles étaient leurs revendications. Et là, nous avons rencontré des centaines de gens. Je dis bien des centaines de gens qui sont, pour certains, on va dire une bonne trentaine, qui sont devenus gilets jaunes par la suite, gilets jaunes actifs par la suite, mais d'autres qui, encore au mois de mai, même s'ils passaient très très vite, mettaient quand même une pièce dans la cagnotte qui était sur le comptoir pour nous soutenir, voilà. Oui, parce qu'au début, il y a eu quand même une forte solidarité des Français, comme on dit. En tous les cas, il y avait une sorte d'un gros soutien des personnes, même si elles n'étaient pas gilets jaunes, même si finalement, elles ne comprenaient peut-être pas ce qui était en train de se passer, ou même si elles savaient que c'était quand même une sorte il y avait sans doute un fourre-tout. Les médias permettaient aussi de donner une visibilité à toute cette confusion. En même temps, ce qui est aussi la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'on est quand même tous des gens très, très, très différents, avec des horizons différents, des aspirations différentes. Et en même temps, les Gilets jaunes avaient essayé de peut-être symboliser cette concentration du ras-le-bol du système, volonté de faire autrement, non, d'améliorer les conditions de vie, parce que stop, là, c'est plus possible. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait, d'ailleurs, à Montreuil, c'est un petit peu... justement quartier populaire, des personnes de classe moyenne voire aisée, finalement des libéraux, profession libérale, je veux dire, aussi sans doute des libéraux au sens partisan du terme. Mais donc voilà, du coup, c'était un peu les discussions, c'était un peu à expliquer les revendications des Gilets jaunes qui avaient été faites dès le début, ou c'était aussi partagez-vous votre vision, parce que du coup, nous, là, on le racontait tout à l'heure, l'essence, l'augmentation de l'essence, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est voilà, symbolique, et du coup, ça drainait derrière toute une grande part du mécontentement de plein de gens, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Du coup, c'était un peu ça, les questionnements des gens, qui vous aident, le point fixe a débuté le 10 décembre à Montreuil. J'étais là le 10 décembre et j'y ai été tous les jours jusqu'à la fermeture de la cabane. C'est ça, parce que le point fixe, c'était paf, c'était... Au début, les gens, ils n'avaient qu'une chose, c'était le mot « justice » à la bouche. Ça, ils avaient quand même bien compris que les Gilets jaunes se battaient pour plus de justice. Ils ne savaient pas spécialement à quel niveau, etc. Mais... alors, je dis ça, ils le savaient au début, mais ils le savent encore maintenant. Pour tous ceux qui se sentent un peu gilets jaunes, à mon avis, c'est justice qui est le grand mot pour eux. Hein? Justice bafouée depuis des décennies en France. Ça leur parlait. On fait une petite pause musicale et on reprend un petit peu toute cette petite histoire avec... nos copains de Montreuil Gilets jaunes. Musique. On allait boire dans 20 ans, Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, je suis la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans. Avec maître Jojo, avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire, et Pierre de Casanova. Et moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de Jeanne Pencu nous montre leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus, disent-ils. .3, la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Tchad passé en lutte. Donc, qui s'intéresse, donc si vous ne connaissez pas, dans un premier temps à la lutte des apatistes, c'est-à-dire ces indigènes qui se sont soulevés en 1994 contre le système et le mépris et le racisme également qui sévissait au Mexique. Et donc, la plupart sont, enfin, là, ces apatistes sont des paysans indigènes qui ont dit stop, ya basta. Et qui ont essayé de construire autre chose. Et donc, c'est aussi parce qu'ils essayent de construire autre chose sans aucun dogmatisme qui nous intéresse aussi, parce que du coup, ça permet de voir un horizon. Enfin, en tous les cas, à l'époque, l'horizon s'éclaircissait quand les apatistes sont arrivés après la chute du mur. Donc, on le raconte à chaque fois, éventuellement, pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'était une bouffée d'air frais pour les gens qui étaient plutôt anticapitalistes et qui, du coup, se demandaient comment lutter. Donc, les apatistes... nous prouve qu'il y a une possibilité de faire autrement sans le système, en étant autonome et par contre en travaillant énormément ensemble, collectivement, en étant tolérant, en supportant les différences, en se nourrissant de ces différences justement, et par contre en travaillant énormément avec la volonté de servir et pas de se servir, par exemple, c'est l'un des principes fondateurs. Et donc voilà, il y a eu des expériences que des gens ont vécues grâce aux apatistes au Mexique. Je pense qu'en France, grâce à la mobilisation des Gilets jaunes, il y a justement des gens qui ont vécu des moments inédits pour eux, nouveaux, qui leur ont permis peut-être de réfléchir autrement, d'avancer autrement, de découvrir autre chose. Et c'est ça qui est intéressant quand il y a des mouvements, c'est peut-être pas tant le fait d'avoir fait tomber le système, car on sait que ce système, il est très très fort, et avec toutes les énergies depuis des années... qui s'évertue à vouloir le faire tomber, c'est très difficile. Par contre, bah évidemment, on sait qu'il y a plein de failles, ça s'effrite. Et en tous les cas, nous, on a tout plein de possibilités de faire, puisqu'on reste nous-mêmes les seuls maîtres de nous. Donc, il y a plein de possibilités. Il faut, je pense, être positif. Et en tous les cas, l'important, c'est que quand il y a des mouvements, des impulsions comme ça, des énergies, il y a plein de gens qui réussissent à se ressourcer ou à inventer des nouvelles choses pour elles. Et c'est par exemple le cas, je pense, de plein de gilets jaunes en France. pour ceux et celles qui se sont baladés en France, qui ont croisé des gens sur les ronds-points, on a tous entendu des gens qui disaient « Mais moi, c'est la première fois que je manifeste. J'ai jamais eu l'occasion. La politique, ça m'intéresse. » Ou enfin, pas trop. Ou comme ça, je regarde de loin ou sinon autrement. Et donc, ouais, du coup, toi, Clément, tu fais peut-être un peu partie de ces personnes qui n'auraient pas imaginé être... dans un mouvement organisé. Dans une organisation quelconque, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, je suis plutôt contre le principe de... Ouais, le principe des organisations. En fait, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Simone Veil, la note sur la suppression générale des partis. Et où grosso modo, elle explique un peu en long, en large et en travers que, quoi qu'il arrive, un parti politique n'est là que pour faire de la propagande. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas très intéressant. Du coup, j'avais pas vraiment envie de rentrer là-dedans. Après, effectivement, avec les Gilets jaunes, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans des choses plus pratiques. En principe, on était censé quand même lutter beaucoup plus dans la rue, dans les actions, aller soutenir les entreprises qui font grève, aller soutenir les... Bah, on a eu beaucoup d'intérimaires, par exemple, à Croix-de-Chavaux sur le point fixe. Ça aurait été très intéressant d'aller soutenir ces gens-là qui, eux, sont pour le coup vraiment à chaque fois seuls face à un employeur qu'ils ne voient même pas. Donc, ils ne savent même pas vraiment contre qui lutter en face à face. C'est vraiment à chaque fois, c'est des entreprises d'intérim, des grosses boîtes de BTP, des grosses boîtes d'hôtellerie ou de restauration. Bref, c'est personne à chaque fois. Donc, je trouvais que ça aurait été intéressant de lutter comme ça de manière plus pratique. Ça, tu parles d'un regret que tu aurais par rapport à l'organisation des Gilets jaunes sur place à Montreuil, tu veux dire, ou de manière générale? C'est une forme de regret, mais c'est aussi ma vision à moi du militantisme ou de la politique. C'est que si on ne va pas sur le terrain manifester et faire grève avec les autres camarades ou ouvriers comme nous, personne ne viendra nous aider, et c'est normal quelque part. Donc, c'est plus la solidarité que... Ouais, ça, c'est un truc que nous, on entend bien dans le comité de solidarité. Le CSPCL, c'est effectivement essayer de pouvoir relayer les femmes de ménage d'accord, par exemple, à l'époque où les sans-papes à Port des Lilas, à des époques où, du coup, on était vachement plus mobilisés, où on essaye de, justement, pouvoir apporter du soutien à ceux qui sont pas visibles et qui n'ont pas de visibilité et pas de possibilité de... d'être soutenu, ouais. Ouais. À la base, moi, je suis quand même plutôt là-dessus. Après, c'est vrai que là, les Gilets jaunes, ça s'est fait un peu... la première manifestation, moi, j'y suis pas allé. J'y suis allé que à la deuxième. Toi, t'es de Montreuil, du coup ? Je suis de Montreuil, j'habite à Croix-de-Chavaux depuis toujours. La cabane, je trouve qu'elle est très bien là où elle est, avenue de la Résistance. C'est parfait. mais du coup, j'y suis allé à la deuxième en me disant que ça pouvait être maintenant qu'on pouvait vraiment changer quelque chose ou en tout cas au moins se faire entendre pour de vrai, on va dire, dans le sens où... je pense que là, au gouvernement ou même dans les entreprises, tout le monde comprend que c'est très serré. Quand on est employé pour avoir un logement, le salaire, etc., etc., ça devient quand même très très serré. Genre, c'est compliqué de vivre et de profiter de la société dans les conditions dans lesquelles on est. Mais donc du coup, je suis allé à la deuxième avec un ami que je connais depuis très longtemps. Donc vraiment, aucune organisation, aucune volonté de se regrouper avec qui que ce soit. Juste content de voir être plein de gens dans la rue qui autres. Sont super sympas. Vraiment, on a l'impression d'être qu'avec des gens très simples qui sont tous là un peu comme pour nous. Les mêmes raisons. Ouais, voilà, il y a une identification tout de suite qui se fait, quoi. Il n'y a pas de drapeau politique, il n'y a rien qui nous clive entre nous quand on était dans la rue, tous avec nos gilets jaunes ou pas d'ailleurs. On était. Vraiment tous ensemble, quoi. Moi, vraiment, c'est un moment où j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai adoré. Il y avait vraiment une solidarité entre les gens qui se connaissaient presque pas, qui, moi, m'a beaucoup touché. Du coup, dans cet élan un peu, voilà, je suis allé aux réunions un peu plus organisées, on va dire, un peu plus politisées aussi. Envie de continuer d'être pris dans ce mouvement et cette dynamique qui fait du bien, de ne pas se sentir tout seul, en fait. Bah, d'avoir, de se dire que c'est peut-être vraiment différent des autres fois, quoi. Genre que peut-être il y a vraiment quelque chose cette qui fois-ci est en train d'intéressant. De se passer, quoi. Ouais. Et je pense que c'est le cas, il y a vraiment des choses intéressantes qui se font... pas que grâce aux gilets jaunes, mais à travers les gilets jaunes. Donc voilà. Et puis après, pour moi, l'apothéose, ça a été la construction de la cabane. Genre vraiment, c'était festif, c'était transgressif, c'était hasardeux, machin. Mais c'était fait par nous, pour nous. Voilà, c'était vraiment, on était tous ensemble, un même but. Et puis ça s'est réalisé, bon, c'était pas très compliqué non plus, mais le fait que ça se réalise, que la cabane se monte, qu'on passe d'un point fixe avec un barnum, un brasero, des caddies, etc., etc., et qu'on passe à une vraie cabane, il y avait quand même une espèce de transition. Quelque chose qui se construit, ouais, ouais, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme et de donner aussi de la force à ceux qui participent, parce que c'est ça qui, je pense, fait qu'il y a quelque chose de positif dans les gilets jaunes, même si peut-être rien ne va avoir changé au niveau du système. Un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là. Un coup, je te bloque le niveau de la taxe ou pas. Enfin, ça, on connaît les... voilà, c'est un petit peu... Ça se répète toujours. Mais l'important, c'est effectivement tout ce qui s'est vécu au niveau du terrain, au niveau des gens et leurs possibilités pour eux de vivre ces moments-là, de rencontrer des gens et de construire ensemble, du coup, des fois, peut-être plus que ce qu'ils avaient espéré ou au moins... aller jusque là où tu avais pu imaginer, ou peut-être même en deçà, c'est pas grave, faut rêver. Ah bah, de toute façon, je pense qu'au début du mouvement, personne n'imaginait qu'on se retrouverait à faire des AG d'AG, des AG générales avec 1000 personnes. Et pendant des mois, et passer l'hiver, et passer le printemps, parce que c'est l'hiver en plus, enfin... Du coup, c'est des périodes difficiles parce que si on a envie de resituer, ça a commencé en plein hiver et donc... Ça a germé, pas avec les bourgeons, quoi, mais plutôt le gel. Ah, y en a qui ont perdu du poids quand même cet hiver. Autour du bras zéro, c'était un peu dur. Mais c'était collectif et jouissif. Donc franchement, c'était vraiment que du bonheur. Et donc du coup, toi, t'es arrivé avec une idée une curiosité du fait d'avoir vécu ce moment d'émotion forte et de peut-être une sorte d'identité comme ça très large et une possibilité de faire avec nous tous très différents. Et du coup, les gilets jaunes, eux, à Montreuil, ils ont peut-être une... Comme on disait, à Montreuil, c'est quand même, on le sait, il y a eu beaucoup... Enfin, il y a une grande histoire de militantisme associatif, squat, les autonomes, une grande histoire antérieurement aussi, avec un vécu ouvrier aussi, un vécu communiste en termes institutionnels, mais ce qui raconte aussi une vie prolétaire un temps. Puis il y a eu beaucoup d'artisans aussi, hein, enfin une vie riche, une grande ville aussi, dont on entend souvent parler des activités à Montreuil. C'est vrai que la parole errante, c'est un lieu qui draine beaucoup d'activités dans la région. Mais donc, du coup, là, les gilets jaunes de Montreuil, c'est un mélange de tout. Vous avez réussi à être un peu tous ensemble avec vos différences. Vous avez réussi à construire quelque chose. Malgré tout, il y a eu aussi forcément des conflits, des scissions, des divergences. À mon avis, pas de conflits. À mon avis, pas de conflits et pas de scissions, mais des divergences. J'ai été à l'origine d'une grosse divergence à propos simplement du mot « démocratie » et « attitude démocratique ». Voilà. Ce qui a fait un peu le buzz parmi les gilets jaunes de Montreuil, comme quoi tout le monde n'a pas la même idée de la démocratie. Voilà. Bon, mais il a bien fallu en discuter aussi. Mais scission, personnellement, je ne pense pas. Vraiment. Oui, je reprends ton mot de divergence. Oui. Parce que du coup, il y a eu une époque où les gilets jaunes avaient quand même mauvaise presse, puisque du coup, c'était souvent un peu des gilets jaunes tendance extrême droite qui paraissaient être les piliers des gilets jaunes. Bon, les médias, on le sait, en général, travaillent énormément dans le sens, dans l'un, dans l'autre. En tous les cas, ce qui permet effectivement de casser un mouvement, c'est de pouvoir effectivement dire qu'il y a peut-être cette tendance qui serait majoritaire et qu'en réalité, ce serait un mouvement pas si émancipateur. Pardon, excusez-moi. Et du coup, je pense que, justement, FPP, nous, moi, je regrette de ne pas en avoir parlé pour raconter d'autres choses. Et en même temps, ça ne sert à rien dans ce brouhaha. Les gens comprennent très bien que les grands médias sont les grands médias et ne sont pas là pour informer véritablement. Donc, du coup, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. En général, pour avoir des vraies informations, il faut aller sur le terrain et rencontrer, parler avec les gens et regarder avec un œil propre. Et pas forcément se fier aux médias. D'ailleurs, du coup, les gilets jaunes s'en sont pris aux médias et on se demande si finalement c'était pas leur façon de se défendre aussi aux médias que de discréditer les gilets jaunes en parlant d'énormément de violence ou en tous les cas faisant un matraquage médiatique sur la question de la violence. Parce que du coup, bon, bah, là, je pense que vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir différents débats entre on est des fachos, on est de droite, on est pour les casseurs, pas les casseurs, on casse nous-mêmes, on casse pas. Ça, c'est sans doute compliqué, non, à gérer, sachant que j'imagine qu'il n'y a pas de mot. Il n'y a que des mots d'ordre par rapport à des collectifs ou il y a des mots d'ordre. Bon, bref, j'ai posé plein de questions en même temps. Ou des mots d'ordre général que vous avez pu suivre ou pas suivre ou, parce que la base, c'est plutôt pacifique, revendicatif. La base, c'est comme ça que les gilets jaunes se présentent et que quand il y a des casseurs, ils te disent non, mais nous, ce n'était pas la base. En même temps. La base, on est des gens normaux. Donc, forcément, on est plus pacifiste que violent. On est comme tout le monde, mais c'est juste que. À un moment donné, on se retrouve face à des gens qui nous parlent de trois casseurs, alors que nous, on leur parle de 50 000 personnes qui ne mangent pas, qui ont des mal logements, etc. Bon, ben, on est confronté à un mur, hein, donc forcément, il y en a qui s'agacent plus ou moins. Et je pense que la violence vis-à-vis des journalistes, alors c'est vrai qu'il y a eu de la violence physique, et que je pense que ce n'est pas utile du tout. Après, quand il s'agit de violence verbale, c'est à eux aussi, à un moment donné, de comprendre où ils mettent les pieds. Il y a vraiment des gens qui sont dans un désespoir profond en France, et qui supportent pas, et qui n'ont pas les mots, qui n'ont pas la patience de répondre à un journaliste qui leur demande pourquoi on a été cassé une boutique Go Sport à République, alors que lui, il est sur les Champs-Élysées, par exemple. Bon, de là à dire que c'est normal, non, mais après, on reste des gens normaux. Donc, à un moment donné, forcément, on s'agace un peu, quoi. Sans parler de l'étonnement de la majorité des gilets jaunes français, alors là je parle sur tout le territoire, première et deuxième manifestation en novembre, c'est qu'ils arrivaient le drapeau au vent et la rose à la main en quelque sorte, et qu'ils se sont retrouvés devant des escouades de Robocop, que ce soit à Nantes, à Toulouse, à Strasbourg, à Bordeaux. Encore une fois, non entendus, incompris, et pour ils étaient un peu visibles avec leurs gilets jaunes, et visibles pourquoi ? Pour se faire castagner. Ils en ont pris plein la gueule, et je répète mon terme, plein la gueule pour pas un rond. Oui, alors que il y en a quelques-uns qui se soient énervés. Je trouve pas ça totalement anormal. Hein. D'autant que la répression, elle a été quand même assez violente. Si on immédiatement. On retrace un petit peu, ça a été rarement d'une telle violence. En sachant qu'effectivement, il y avait des centaines de milliers de gens au départ et quelques casseurs, et qu'effectivement... Les deux premières manifestations, il n'y a quasiment pas eu de casse. Oui, mais il y avait déjà de la répression. Mais il y avait déjà une répression violente, mm-hmm. très violente. Mm-hmm. Hein, qu'à la troisième, la violence ait répondu à la violence... Et en plus, je pense que c'était relativement, enfin, c'était tout à fait vicieux dans le sens où ils savaient très bien que la plupart des gens, parce que je pense que c'est un peu ça, tu vois, toi-même, c'était l'exemple. Je manifestais jamais, pas la première, je suis allée à la deuxième, c'est-à-dire que du coup, pas des gens préparés à manifester et donc prêts à se défendre et à répondre à des coups, parce que, bah, effectivement, quand on a manifesté pendant 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans en France, on sait qu'il faut courir à un moment, on sait qu'il va falloir peut-être faire gaffe parce que du coup, si tu continues jusqu'au bout, ils ne vont pas te laisser, ils vont te dévier, ils vont te contourner, ils vont te machiner, ils vont t'empêcher, t'interdire. Et que finalement, si toi, tu fais partie du peloton un petit peu de résistance, tu t'en prends plein la gueule, effectivement. Ça, on le savait. Mais du coup, des personnes qui ne sont pas préparées aux manifestations, et c'était, je pense, la majorité des personnes dans les débuts, en tous les cas, effectivement, je pense que c'est assez vicieux. C'est une façon de dire, toi, tu vas rester chez toi. C'est-à-dire que là, tu as bien compris que là, tu t'en prends plein la gueule si tu ressors chez toi. Donc, le mieux, c'est que tu restes à ta niche, tu regardes la télé. Puis c'est bon. Enfin, Bien sûr, il y a eu cette tentative. Après, je rajouterais aussi que par rapport à la violence de la police, il y avait aussi le phénomène que personne ne comprenait à un moment donné. Pourquoi on pouvait se faire arrêter ? Pourquoi on pouvait partir en garde à vue pour un masque en papier, pour un foulard, pour une bouteille d'eau, une sorte pour de confusion, quoi. Ouais, créer la confusion, ouais, c'est à un ça. Moment donné. Et c'est le truc de voilà, nul n'est censé ignorer la loi, mais à un moment donné, quand ça devient incompréhensible, comment on fait nous en tant que citoyens ? Moi j'ai pas de numéro d'avocat. Ça c'est une arme de toute façon pour eux, de justement affaiblir les personnes qui sont pas organisées, qui du coup vont partir en éclat, quoi, du coup, et surtout casser la possibilité d'une mobilisation et d'une organisation. Ils ont essayé ça, mais qu'ils ont pas vu le désespoir, peut-être. Vraiment, peut-être que vraiment... Je pense qu'ils l'ont vu, mais il faut bien qu'ils tentent quelque chose quand même. Ils ne peuvent pas se faire gagner par le désespoir. Ils le savent très bien. Ils savent très bien dans quelle situation vivent les gens. Je ne suis même pas sûr. Bah, bien sûr que si. Ils voient bien combien de personnes déclarent des revenus de moins de 10 000 euros par an avec à charge 3 enfants. Non, mais ce n'est pas abstrait. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Oui, ils le savent, mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment ce que ça implique. Parce que ils savent qu'on peut tenir 10 ans et tu sais pas pourquoi 10 plus un jour ça craque. Ils tiennent tant qu'ils peuvent. Eux ils vont tenir de leur côté et donc les gens résistent un temps à la misère, essayent de trouver des solutions, puis à d'autres moments décident de dire j'ai plus envie de vivre comme ça, j'ai envie de dire stop, c'est pas normal que je puisse pas vivre dignement en travaillant tous les jours de l'année, quoi. Ça c'est basique, c'est tellement basique quand ils le disent que tu comprends même pas comment ça se fait que les gens se sont pas soulevés avant, mais c'est ça la réalité de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça bascule, comme les apatistes qu'on dit un jour, il y a basta, comme il y a eu à un moment le CPE, d'autres moments où ça a déchaîné plein d'autres choses et qu'il y a eu des manifestations de jeunes, d'étudiants, peut-être pas tous les ans, mais en tous les cas de façon récurrente, puis il y a des années où ça dépasse. 95, on ne sait pas non plus de quoi c'est parti. C'est ça, les manifestations, services publics, machin, il neigeait, des semaines de blocage. Alors là, je t'ai dit pas. Non, mais parce que voilà, c'est ça aussi ce qu'on ne peut pas palper en amont. Enfin, voilà, il y a des choses imprévisibles. En tous les cas, il y a des situations concrètes depuis toujours qui font que, et potentiellement, il y a moyen de se rebeller, moyen de se révolter, ça c'est clair. Là c'est ce qu'on sent, au point fixe à Croix-de-Chavaux, à la cabane, c'est ce qu'on sent aussi chez les gens. Les gens ne voient pas le bout du chemin, quoi. On travaille, mais tous les mois on est à découvert.

Et dans notre programme, on n'en avait pas vraiment parlé. Donc là, on prend le temps de voir cette petite aventure ou même grande aventure quand on la vit personnellement. Du coup, petite, parce qu'après, forcément, ça n'a pas remué plein de choses. Mais justement, c'est important, les petites choses au niveau local. Là, on sait bien que c'est au niveau local, plus ça bouge, toutes ces petites choses-là et qui font que du coup, ça devient grand si partout... Il y a des petits foyers de gens qui sont en résistance, qui inventent, qui se rencontrent, qui découvrent et qui apprennent. Et donc voilà, du coup, on est content de ben voilà, aussi d'avoir cette radio qui nous permet de partager ces choses-là. Donc on n'oublie pas d'être solidaire avec FPP, hein, qui a toujours des petits soucis, comme tout plein d'autres petites associations qui essayent de vivre et de donner la parole à qui veut et qui a besoin aussi de se faire écouter, entendre. C'était un peu justement ça, les gilets jaunes, quoi, besoin d'avoir une visibilité sur cette vie de chien que tu vis et qu'il faudrait en plus accepter avec le sourire, en votant, en participant à la vie collective, en faisant des efforts avec nos déchets et tout, alors que c'est eux qui font tout le bordel. Donc il y en avait marre. Hein. Donc là, il y en avait marre, et donc on continue à en avoir marre, parce que les choses n'ont pas changé, on continue à résister aussi, et à chacun sa façon, chacun son mode, et donc on était avec les gilets jaunes de Montreuil, hein, puisque il y en a plein des gilets jaunes, et donc on est avec les copains de Montreuil, ceux qui sont les plus près de nous, là, en physique, justement. Puisque du coup, on le sait, hein, les gilets jaunes, on sait qu'il y a eu beaucoup, on parlait de ça, on n'en a pas trop parlé, mais ça a été compliqué de se dire si c'est tous des fachos, ces gilets jaunes, si les fachos ont profité des gilets jaunes pour avoir une tribune. Et puis donc, comment ça se passe, sachant que les gilets jaunes, ils ont regroupé plein de gens qui sont sur le passage, sur le rond-point, qui viennent, qui s'introduisent, qui ont envie de participer. Du coup, vous, c'était comment sur Montreuil, du coup, au niveau de ces relations et de ces conflits-là, qui on est, comment on est, quelle couleur on a. Donc, on a tous le gilet jaune à la base, mais du coup, c'est difficile de porter sa couleur à soi. S'il y en a qui sont verts, jaunes, rouges, noirs, roses. Non, ça, je parle en mon nom, ça n'a jamais été un gros problème. Alors, en revanche, ce qui est sûr, c'est que personnellement, voilà, je connais des gilets jaunes qui ont porté les gilets jaunes, qui sont allés régulièrement au point fixe, qui l'ont tenu, etc., qui sont de droite, enfin, qui sont de droite, oui, enfin, qui ont des idées politiques de droite. Et qui sont gilets jaunes parce que là encore, le mot justice a une consonance très agréable à leurs oreilles et que l'arrogance de, et c'est presque personnel là, l'arrogance de monsieur Macron et de son gouvernement leur est absolument insupportable. Ça, voilà. Donc, extrême droite, non, nous n'avons jamais eu affaire à des gilets jaunes d'extrême droite, ou alors ils se sont bien cachés, à des propos d'extrême droite non plus. Oui, au cours d'une assemblée générale, il y a eu un léger clash parce que certaines réflexions avaient des consonances racistes, oui. Ce qui s'est terminé avec une franche explication, là encore. Enfin, voilà, il faut toujours remettre les choses à plat. Mais... Parce que justement, à une époque, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait vachement de confusion. Et je dis ça puisque du coup, nous, à la boulangerie, on avait la petite boîte de solidarité avec les gilets jaunes. On a bien spécifié Montreuil de manière à montrer aux gens que cet argent, on était censé savoir quand même à peu près à qui il allait être destiné. Et il y avait eu une époque où vous aviez mentionné gilets jaunes Montreuil antisexiste, antiraciste. Et c'était effectivement un peu l'époque où on avait envie de dorer les gilets jaunes de la patte extrême droite, facho, raciste, xénophobe. Cette banderole a toujours été au point fixe. C'était une banderole noire écrite, enfin un tissu noir écrit en jaune. Et de toute façon, nous avons toujours tenu ce genre de cette ligne là, je te dis, ce qui n'empêche que bon ben il y a eu quelqu'un qui a non mais du coup voilà ça, mais, vous restez mais, quand même mais avec cette remis, identification je dis ça a été c'est remis important immédiatement quand même. Sur sur les rails. Et quand je parle de l'idée de démocratie vivante qui n'est pas la même pour tous, ce n'est certainement pas que certains ont comme modèle une démocratie à la Le Pen et d'autres une démocratie à la Macron. Hein. C'est oui, la démocratie horizontale, ou c'est à 100% horizontale, ou si ça devient vertical, on nous prévient. Quoi. Voilà, en fait, le problème, il était là. Hein. Bon, donc, mais... Non, parce que moi, je pensais que c'était aussi intéressant de justement pouvoir donner une couleur de plus à ce gilet jaune, en lui mettant ses petites apparades antisexistes, antiracistes, parce que du coup, ça permettait d'office de se dire, ben voilà, il y a plein de gilets jaunes. Bon, en tous les cas, ce qu'on a près de chez nous, c'est cette ligne-là. Et donc, du coup, ça te permet d'être en accord parce que du coup, effectivement, les gens d'en bas, si on peut dire, les gens d'en bas, en tous les cas, les gens qui luttent depuis là où ils sont, avec leurs moyens à eux, leur réalité propre, qui ne sont pas dans des luttes partisanes, électoralistes, etc., donc ils font avec leurs propres moyens, bah là, on se doute bien qu'il y a un peu de tous les styles, mais les gilets jaunes, c'est une palette de représentative des Français. Oui, il y a voilà. Je dis que du coup, c'était moi plus intéressant pour moi de rencontrer des gilets jaunes de Montreuil qui avaient mis cette petite bannière, cette petite étiquette, parce que ça te permet aussi de te dire bon, on essaye de se préserver de ça. Clément pourra te dire que une ou deux fois, il a été recadré alors que. Il n'avait aucune parole volontairement blessante, enfin, etc., mais par des nanas, en lui disant « Mais attends, nous, on peut le faire tout seul. » Voilà, non. J'étais même contre le fait d'écrire tout ça sur cette banderole. Ouais, mais moi, je pense que c'est important, hein, parce que du coup, il n'y a rien d'évident, et moi, je pense qu'on est en apprentissage, tu vois. Par exemple, justement, dans tout ce qui est question du genre, c'est-à-dire qu'on revient de très loin... et même le racisme, c'est-à-dire du coup avec le colonialisme, etc., il y avait des termes qu'on employait qu'on trouvait pas du tout racistes et finalement qu'il a fallu retirer de son langage. Donc 50 ans, 60 ans après la colonisation, évidemment on a pris beaucoup de recul, et je pense que sur la question du genre il y a aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que du coup on c'est pas, même si toi t'es pas sexiste ou pas macho ou bon, c'est surtout que le fait de le mettre sur le drapeau, ça empêche pas le sexisme, le racisme, etc. Tout à fait. Après, autant tu disais le gouvernement il peut utiliser des petits mécanismes du style est-ce que vous êtes violent, est-ce que vous êtes pas violent, est-ce que ceci, est-ce que cela, pour nous diviser, autant nous pour se tirer une balle dans le pied, il y a pas mieux, genre chacun dira non, moi ça m'intéresse pas, ça machin, et puis du coup ça crée des tensions qui sont pas vraiment qu'ont pas vraiment lieu d'être qui avaient pas lieu d'être à ce moment-là. Après je sais pas si c'est une question de génération ou de personne, mais c'est vrai que pas mal d'amis à moi qui sont passés sur ce point fixe, ils ont pas compris l'utilité d'afficher antisexiste, anti-homophobie, anti-racisme. Enfin, ce qui va de soi ne s'énonce pas, et là, y avait besoin de l'énoncer apparemment. Et du coup, je trouvais que c'était un peu prêter le flanc à tout ça. Genre, on se défend. C'est pas nous les gilets jaunes racistes. Genre. Ouais, c'est vrai que t'as raison. C'est une belle lecture aussi. En même temps, ça permettait aussi effectivement de se défendre. C'était effectivement plutôt une défense. Oui, c'était pas. Mais du coup, moi, je dis ça parce que moi, personnellement, par exemple. Tu le prends pas pareil. Je me disais, ça, pour moi, c'était. Non, ça m'a pas rassuré. Pour moi, c'était évident que quand tu es en train de lutter contre le système qui essaye de nous diviser, de nous. exploité, spolié, qui en général s'en prend au plus faible. Et donc, ça veut dire un noir, par exemple, un immigré, une femme, un handicapé, un homosexuel, etc. Bon, bref, toutes ces catégories qui sont créées. Et on sait très bien que si on rentre dans ce jeu-là, ça devient compliqué. En même temps, il y a des luttes aujourd'hui qui se font en ce nom, à savoir que nous, dans notre nouvelle société qu'on doit construire ensemble, il y a sur la question du genre quelque chose à faire, parce que justement, quand je te parlais du discours colonialiste et qu'on a fait un grand travail pour essayer de décoloniser les esprits, on sait très bien qu'il y en a plein qui ne l'ont pas encore fait, ce chemin. Mais d'autres, bon voilà, il y a des générations qui sont arrivées. Ben, sur la question du genre, je pense qu'on a quelques générations de travail à fournir et à faire. Et moi, je pense que justement, c'est, si tu le revendiques, c'est une façon aussi de pouvoir peut-être essayer de faire avancer cette chose à cette occasion. Selon moi, en tous les cas, c'est important. Enfin, moi-même, j'ai déjà été reprise par des féministes alors que je parlais de, enfin je veux dire personnellement je me suis retrouvée dans des situations qui ont pour moi été incompréhensibles, mais en même temps ça permet d'avancer, c'est-à-dire que du coup au bout d'un moment tu te questionnes, tu te dis et t'avances. Enfin je pense que après Monique, vas-y. Oui, moi aussi mon féminisme n'est pas le même que celui des générations d'après. En revanche, question de genre dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai remarqué immédiatement et encore hier que les femmes sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus combatives que les hommes dans le mouvement. Et les femmes, quel que soit leur âge. Et j'en ai encore eu la démonstration, je te dis, hier sur les Champs-Élysées. Je pense que les femmes aujourd'hui, elles prennent une part qu'elles n'avaient pas avant. Hein. Il n'y a pas longtemps, on n'avait même pas le droit de vote. Alors imagine, non, mais même à quand même. En proportion, non. Moi je ne suis pas militant, mais il y a plein de gens qui sont militants dans les Gilets jaunes qui reconnaissent que chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Oui. Comparé à d'autres luttes. Et de femmes très déterminées et très combattantes. Parce que je pense que les femmes ont toujours été exclues du pouvoir. Et que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement qui est complètement dénué de course au pouvoir ou d'accès à des responsabilités. C'est pas ça qui est en jeu dans ce mouvement. Non, moi, je pense qu'elle pense. C'est des générations aussi. C'est un mouvement aussi qui est. Les femmes, elles sont en mouvement aujourd'hui dans le monde entier. Non. Non, mais je crois aussi que c'est elles qui tiennent les cordons de la bourse, hein, en général. Et c'est elles qui font des enfants, et c'est elles qui élèvent des enfants. Et quand elles voient que l'avenir est totalement bouché, eh bien, elles se bougent les fesses pour leur gamin. Oui, hein, voilà. Non, mais en même temps, c'est parce qu'aujourd'hui, elles ont la possibilité de revendiquer. Je pense qu'à une époque, elles ne seraient pas sorties dans la rue parce que précisément, avant, elles avaient les mêmes fonctions, mais elles n'avaient aucun droit. Je veux dire, aujourd'hui... Mais elle dépendait d'un homme. C'est ce que je te dis. Et aujourd'hui, justement, comme il y a une sorte d'autonomie réelle qui s'est petit à petit acquis, il y a forcément maintenant le moment de pouvoir aussi défendre ta propre réalité et pas te compter sur ton mari, ton père, ton frère. Moi, je trouve que c'est justement tout à fait le... dans le vent et d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que des femmes actives à 100% et qui sont du coup, elles, prêtes à monter au créneau aussi et à défendre en tant que femmes. Et que je pense que du coup, c'est une nouvelle catégorie qui des fois pourrait diviser, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir revendiquer en tant que femme des choses, puisque pendant des années, ça a plutôt été « je défends ma possibilité d'avorter, s'il vous plaît, donnez-moi le droit ». J'aimerais ne pas crever, par exemple, parce que... Enfin bon, tu vois, on revient de loin, en vérité, si on veut. Ouais. Et donc, moi, je trouve ça intéressant aussi que ça puisse permettre d'avancer sur cette question-là. Si, par exemple, toi, tu n'avais pas questionné cette chose-là, ben, ça te permet aussi de questionner ce truc-là. C'est-à-dire que même si... Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant quand on se confronte aux autres, on se retrouve confronté à des questions qui ne sont pas les nôtres au départ. Et c'est ça qui te permet de t'enrichir.

on en voit qui supplante bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. FPP, la jungle des luttes, donc programme proposé par le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, tous les troisièmes lundis du mois en direct. On est encore donc jusqu'à 20h30 avec vous et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CSPCL, on a une assemblée ouverte tous les premiers, troisième et cinquième mercredis du mois à 20h30 dans les locaux de la CNT au Vignol, 33 rue des Vignoles dans le 20e à Paris. Bon, bah là, évidemment, ce n'est pas la super période, on est en plein été. Par contre, on vous attend dès le premier mercredi du mois au mois de septembre si vous avez envie de découvrir ce que sont les apatistes, ce qu'ils font, mais aussi toute la dynamique qui a été... Qui est au Mexique, qui existe avec des gens en résistance contre des grands projets, des paysans qui mettent en place des gouvernements autonomes et puis tout un tas d'expériences que vous pouvez peut-être aussi vous nous apporter et partager avec nous, puisqu'on est friands de lutte et de résistance. On salue les copains de Notre-Dame-des-Landes, les copains de Bure et les copains de partout encore qui luttent. Et n'oubliez pas donc justement de vous rendre, si vous le voulez, donc à partir du 20 aux environs de Biarritz, le contre G7. Si vous avez envie de rencontrer des gens, de partager, discuter, apprendre, il y a moyen de faire des rencontres en ce mois d'août. Et au début, il y a les burlesques, si vous voulez aussi vous rendre vers Bure. Et donc, il y a aussi les gilets jaunes. Vous êtes en repos, vous aussi, l'été, je suppose. Peut-être un petit peu. C'est les congés, normal. C'est bien mérité. Il faut reprendre de l'énergie. Et donc, du coup, tout au cours de cette année, donc, vous avez eu votre point fixe, les manifs, les discussions, des réunions, des rencontres. Voilà, essayer de se mobiliser, de préparer des actions. Il y a eu aussi pas mal de répression, on en parlait, des blessés, des personnes qui ont perdu des yeux, des mains, des personnes qui ont été arrêtées également, des procès. Du coup, tout ça, ça rentre en ligne de compte, j'imagine, dans votre activité au quotidien, avec des collectes ou pas, avec des événements plutôt ponctuels. Vous êtes, il y a eu une solidarité au niveau national. Ça, c'est, vous avez vu ça comment, vous, de votre côté? Ah bah, ça s'est fait beaucoup au cas par cas, je crois. Genre, je crois qu'il y a eu des collectes pour quelques personnes bien précises, genre, qui ont été mutilées, pas blessées, ou voilà, genre, ils sont pas juste tombés. Ils ont quand même perdu des membres. Donc, moi, personnellement, je me vois pas arrêter les gilets jaunes juste pour ça, déjà. Genre, ces gens-là, ils vont garder et porter ça toute leur vie. Faut pas que ça tombe à l'eau comme ça, quoi. Genre, déjà, pour ça. Après, ouais, la solidarité, il y en a eu pas mal, puisqu'il y a eu quand même des collectifs d'avocats qui ont défendu pas mal de gens gratuitement. Moi, je me suis retrouvé confronté, Monique aussi, au cas où des gens avec qui on était partis en manif se sont fait arrêter, etc. Moi, je suis pas militant, je suis pas habitué à tout ça. Donc, c'est vrai que tous les processus... chercher les gens, appeler les hôpitaux, parce que des fois ils sont à l'hôpital, des fois ils sont en garde à vue, on sait pas trop, des fois, voilà. Et puis après, tout ce qui est avocat, procédure, tout ça, c'est vrai que, genre, s'il n'y avait pas eu des collectifs pour nous aider, c'est vrai qu'on aurait été submergés, je pense, par ce qui nous est arrivé, parce que c'est vrai que on n'est pas habitué du tout à ça. Et après, ouais, la solidarité, je pense qu'elle a quand même bien fonctionné. Après, avec les moyens qu'on a, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu compliqué à chaque fois, quoi. Mais, et est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a encore des besoins, par exemple, en termes d'avocats, des besoins financiers, par exemple, est-ce que vous avez une caisse qui est en cours quelque part, vous avez... Oui, qui se rétrécit de jour en jour, ou presque. À la rentrée, on pourra toujours refaire le tour des gentils donateurs. Mais nous avons soutenu là en particulier une famille avec un blessé très grave. Et puis nous avons soutenu l'anti-REP aussi. Nous avons financièrement, c'est-à-dire la caisse du point fixe permettait de faire ce genre de choses. Et puis par notre présence, il y a d'autres associations qui ont fait des repas, des rencontres. Nous y sommes allés. Et c'était une façon, là aussi, d'aider le collectif pour les blessés, etc. Voilà. Mais nous avons, oui, bien participé à ce genre de choses. Et donc, du coup, là, le bilan, vous avez fait une petite réunion de fin d'année avant de vous quitter, de vous retrouver en septembre, par exemple. Vous vous êtes donné un rendez-vous, vous avez fait un petit bilan ou pas, ou plutôt difficile de finir l'année quand même. On en est, ce serait comment votre sortie là Parce que ça s'est amenisé très, très difficilement. L'année s'est terminée très, très, très difficilement. Donc, du coup, là, sur la rentrée, vous êtes plutôt en train de vous dire on reprendra un point fixe ou pas, on reconstruira un espace, autrement. C'est pas... Aujourd'hui je suis incapable de vous le dire. Sinon, quand même, que... quelques gilets jaunes continuent des actions ponctuelles. Nous étions sur le péage de Senlis. Nous avons fait le marché de la poésie, et les manifestations aussi. On fait des actions ponctuellement, surtout pour qu'on nous voit. Hier, 14 juillet. Samedi prochain, il y a Adama quand même. Un certain nombre iront avec le gilet jaune. J'ai participé avec 4 autres gilets jaunes de Montreuil aux manifs des blouses blanches. Et puis jeudi dernier aux manifs des enseignants. Parce qu'il est très très très important que nous soyons solidaires des autres luttes. J'ai trop entendu cette année qu'à la limite c'était les autres luttes qui devaient venir vers nous, gilets jaunes. Moi je pense que c'est les gilets jaunes qui doivent faire au moins la moitié du chemin. La rentrée, oui, on verra. Oui, bon, bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les gilets jaunes, à la limite, aient gardé pour ceux qui ont vécu cette expérience, cette dynamique de pouvoir essayer de s'intéresser à ce qui est en train de se passer à côté d'eux et de pouvoir y participer à leur façon aussi. Ça peut être... Rien qu'être là, oui, avec son gilet jaune, marcher avec les blouses blanches, se dessaper en même temps qu'elle. Très très intéressant, hein. Nouvelle forme de lutte, mais se mettre à poil devant les ministères, ça peut aider, par exemple. D'ailleurs, les enseignants ont repris le truc. L'imagination est là. Bon, bah, attends. L'imagination est là. Bah, c'est ça qui est important. Du coup, t'as une petite dernière phrase, un dernier petite idée, un petit truc que t'aurais pas dit qui te ferait plaisir de communiquer à nos auditeurs sur cette expérience gilet jaune. Rien de particulier, à part que il faut en profiter, il faut y aller. C'est ça la lucha sigue, comme on dit par chez nous. La lutte continue. C'est ça, quelle que soit la forme, il faut continuer justement à être éveillé et solidaire. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous. On se retrouve, quoi qu'il arrive, sur Montreuil pour nous. Donc, ceux qui. S'il y a quelqu'un qui est pâtissier, par exemple, et qui a envie de travailler dans un projet collectif, on cherche un pâtissier à la conquête du pain à Montreuil. Et sinon, bah, vous pouvez venir nous rendre visite le mois de juillet. Donc, à la conquête du pain, si vous en avez envie. C'est un espace aussi où on peut essayer de discuter, de partager des choses, acheter du pain bio, bon, pas cher. Et puis, il y a plein de gens qui viennent, qui se rencontrent et qui discutent. C'est un peu sympa aussi. C'est intéressant pour ça, au-delà de la question de l'autogestion. Et on vous remercie aussi d'être attentifs sur tout ce qui se passe autour de vous, et donc notamment au Mexique où... la répression ne cesse pas, déjà depuis des années, on vous en parle. On a déjà évoqué des milliers de personnes, la répression des mouvements sociaux qui est très très important au Mexique, bat son plein. On en parle peu maintenant, c'est-à-dire qu'on en a parlé au moment de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa. Donc ça a duré quelques temps, mais depuis la situation n'est pas plus satisfaisante, elle est même toujours plus inquiétante. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à être attentif, faites gaffe aussi à tous ces projets touristiques. Donc vous, là, cet été, déconnez pas, allez pas dans des endroits qui finalement ne sont que là pour enrichir ces grandes sociétés qu'on détruit toutes les... régions, les cultures, les petits paysans, les petits villages, etc. Donc voilà, on essaye d'être conscient dans notre quotidien si on peut. Là, ben voilà, résistons, inventons, imaginons, et puis profitons de la vie tant qu'on est là, en entier, intègre. Et donc merci pour la technique, merci à FPP de nous accueillir, merci à vous de nous écouter. Et puis à tout bientôt. Je vous remercie, on se quitte en musique et puis notre petite hymne zapatiste pour clôturer notre émission comme d'habitude. Si vous voulez donc nous rencontrer, le CSPCL, c'est le mercredi à 20h30, 1er, 3e, 5e mercredi du mois, sauf au mois d'août, dans les locaux de la CNT 33 rue des Vignoles, à Paris, métro Avron. Merci à vous. Salut, cspcl.ouvaton.org. Aussi, on a un petit site, il y a des infos. Je vous remercie. Salut, bel été à vous. son paz y les dicen guerreros. Igual están en la batalla del fuego. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Manos de cuero, cuerpos de acero, ojos profundos, sangre de fuego. Fueron historias, son realidad. Todo regresa al mismo lugar. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Basta ya, no es suficiente. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Más o menos son, más o menos dicen, más o menos son, más o menos dicen, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. Basta ya, no es suficiente. De hacernos reír burlándose de la gente. Basta ya, se va a acabar. Tu cinismo macabro no tiene igual. En este país no queremos más. Con conciencia y resistencia, si no claudicas, ganarás. Para ti que te encuentras tras las rejas, que no dejas el reclamo de tu voz de león morir. Para aquellos que trabajan sin perder la convicción, aunque su retribución sea solo las migajas. A costa de paredes soñando libertad, pagando una condena que nunca podrás saltar. Pusiste mejor tu que protege a los culeros, encerrante por vida si no tienes su dinero. fuerza. Acércate, hermano, vive la vida sin prisa. Deja de callar ante la impunidad. No dudes más, deja de callar. Caballo.